À l'occasion du 5e anniversaire de la promotion du dirigeant suprême Kim Jong-un au grade de maréchal de la République populaire démocratique de Corée, l'homepage internet russe Patrioti Moskouba a fait le 13 juillet l'édition spéciale sous le titre « Avenir de la Corée » avec sa photo. L'auteur a indiqué « Aujourd'hui, le camarade Kim Jong-un est le plus en vue dans la communauté internationale. Plein de vivacité, généreux et aisé, il se mêle parmi son peuple et son aspect rassure les gens et fait l'admiration de tous. Surtout les gens sont émus par son grand amour pour la postérité. Aimez les jeunes générations et ayez confiance en la victoire. C'est la conception de la postérité et de l'avenir du camarade Kim Jong-un.